Chapitre 22e. Le grand souci de Geneviève était de savoir quel serait son morceau de concours. S'il était de Chopin, de Mendelssohn ou de Hummel, elle savait d'avance qu'elle était perdue. Les difficultés de celui-ci, le sentiment de celui-là, n'étaient pas de son âge, ou tout au moins, c'était ce que disait Madame Raffelis. Il faudrait, dans ce cas, arranger le morceau pour elle, et cela produirait une mauvaise impression sur le jury. Heureusement, ces morceaux de concours sont choisis par un comité d'examen composé de professeurs du conservatoire et d'artistes libres, et il y a des moyens d'action sur eux pour les amener, sans qu'ils s'en doutent, à leur forcer la main et à leur faire désigner un morceau qu'un professeur désire. Ces moyens d'action, Madame Raffelis les avait employés, et comme un aile, il y avait à côté du très habile professeur une femme très habile aussi, très experte aux choses du monde, active, influente, l'avait réussi. Chopin, Mendelssohn, Hummel avaient été écartés et ça avait été l'allegro du 5e concerto de Hertz qui avait été choisi, c'est-à-dire un morceau que Geneviève pouvait jouer sans aucun arrangement et qu'elle devait très bien jouer. « Maintenant, mon enfant, avait dit Madame Raffelis en lui annonçant cette bonne nouvelle, c'est de vous qu'il dépend d'avoir ou de n'avoir pas le prix. » Elle le connaissait, ce concerto, et déjà, Madame Raffelis le lui avait fait étudier. Mais cela ne suffisait pas pour un morceau de concours qui doit être exécuté avec toute la perfection dont on est capable. C'était cette perfection qu'elle avait ardemment travaillée. « Toutes les fois que vous aurez l'occasion de jouer votre concerto, lui avait dit Madame Raffelis, jouez-le. Si vous trouvez pour l'écouter des gens intelligents, tant mieux. Si vous ne trouvez que des imbéciles, jouez tout de même. » Les seuls gens intelligents, c'est-à-dire les seuls musiciens qu'elle connut, étaient les Guesswiller. Mais tous, garçons et filles, étaient dans la fièvre de leur concours. Chacun avait son concerto ou l'équivalent en tête. Aussi ne l'écoutaient-ils guère. Ils s'écoutaient eux-mêmes. « Oui, c'est très bien, mais c'est le mien qui est difficile. » Elle avait aussi ses frères, mais eux ne comptaient pas dans la catégorie de ce que Madame Raffelis appelait les intelligents. Et ce qui les intéressait, c'était plutôt les suites du concours. « Quand on pense que ces ronrons te feront gagner 200 francs par soirée, » disait Sébastien. « Prends de l'aplomb, » disait Frédéric. « Dans la vie, tout est là. » Le seul auditeur sérieux qui l'écouta sans distraction, comme sans préoccupation personnelle, et uniquement avec un désir de succès et de gloire pour elle, était Ernest. « Si j'étais musicien, disait-il souvent, je vous ferais des observations utiles. Mais bien que je sois dans la catégorie des imbéciles, il y a un point cependant dont je peux parler. C'est la façon dont vous jouez. Croyez bien que quand vos juges verront arriver une belle petite fille, qui a toute la grâce, toute la gentillesse, la simplicité, la naïveté, le charme d'un enfant, et qui à cela joint déjà le talent d'une femme, ils seront ravis. Jouez bien, ils trouveront que c'est très bien. » Il fallait qu'elle l'eût, cette grâce et cette gentillesse. Il fallait qu'avant de gagner les oreilles des jurés, elle séduisît leurs yeux. Comment l'habiller? C'était là une grosse affaire. Et à l'avance, la famille avait tenu conseil là-dessus, chacun proposant une toilette. « Je crois, dit Sébastien, que j'obtiendrai bien une diminution de Faugerolles. Il nous ferait quelque chose de ravissant, de distingué. Pas une des rivales de la petite sœur ne serait habillée comme elle. » « Quelle diminution ? » demanda Madame de Mussidan, que cette toilette ravissante et distinguée inquiétait plus encore par raison de convenance que d'économie. « Je crois qu'il n'y aura pas plus de 500 à 600 francs à payer. »« Très bien, » dit Monsieur de Mussidan, « s'il ne faut que cela pour que ma fille soit la mieux habillée de ses camarades, comme il convient d'ailleurs, j'accepte, je ferai un billet à Faugerolles. » »« Ah, voilà le diable, il ne voudra jamais accepter un billet en paiement. » De la toilette de chez Faugerolles, il fallut tomber à une robe de cachemire blanc, taillée par une couturière de Montmartre et cousue par Madame de Mussidan elle-même. Ce ne fut pas le distingué du célèbre couturier, mais une petite robe sans taille, à jupe plissée, façon enfant, décolletée sur une guimpe en souk. Pour lui donner un peu d'élégance, Madame Raffelis avait offert une ceinture en moire. Le moment arriva où Madame Raffelis ne s'entint plus au public d'imbéciles que son élève pouvait réunir, et où elle conduisit celle-ci chez les grands pianistes avec qui il avait des relations. Parmi eux se trouva l'auteur du concerto. Ce fut la grande émotion de Geneviève, celle-là, mais aussi quelle joie quand le maître, après l'avoir écouté, la prit dans ses bras et l'embrassant, lui dit « Quand on me demandera de jouer mon concerto, ce sera vous qui le jouerez. Vous êtes un petit ange. » Cette parole, quand elle se la rappela, lui donna confiance et elle ne s'accusa plus d'être trop orgueilleuse en se disant le soir tout bas, avant de s'endormir, « Je l'aurai peut-être, ma médaille. » D'ailleurs, ce qu'elle se disait quelquefois en ces courtes minutes de confiance Madame Raphélis le lui répétait à chaque instant, « Vous l'aurez, votre médaille. » Cependant, le jour décisif, elle arriva bien tremblante au conservatoire, accompagnée de sa mère, plus troublée qu'elle encore. Elle aurait voulu avoir son père près d'elle, et même elle avait eu le courage de le lui demander la veille. Mais il avait répondu noblement qu'on lui ne se montrait pas dans ces endroits-là. Faré était dans la cour, se promenant de long en large comme un homme qui attend. Il a couru au-devant d'elle. « Vous êtes là ? » dit-elle. « Avez-vous vraiment pensé que je n'y serais pas ? Et votre journal ? J'ai lâché les suifs. » Puis s'adressant à Madame de Mussidan, « Comme elle est jolie !» Ce mot valut pour elle celui de l'auteur du concerto, et ce fut avec vaillance qu'elle affronta les regards méprisants ou envieux de ses rivales et la dent dure de leur mère en entrant dans la salle où elle devait attendre, enfermée sous clé, le moment de paraître devant le jury. Ce n'était pas précisément la bienveillance qui régnait dans cette réunion, et si quelqu'un avait entendu les propos qui s'échangeaient tout bas, il aurait pu croire que toutes ces jeunes filles étaient des coquines, et que toutes ces mères étaient des gredines, et laides, et vicieuses, et mal habillées, un fumier. Et les protections qui allaient se montrer, comment avaient-elles été gagnées? À quel prix? Vraiment, ma chère, oui, ma chère, quelle horreur! L'attente fut longue pour Geneviève, son numéro étant un des derniers, et bien qu'on ne leur parlât guère ni à elle ni à sa mère, les observations qu'elles entendaient n'étaient pas pour les rassurer. Un jury de crétins, tous gagnés d'avance. Enfin, son numéro fut appelé. Madame de Mussidan aurait voulu l'embrasser, mais elle n'osa pas, et en la quittant, elle se contenta de lui serrer la main. Si bien aguerrie que fut Geneviève à jouer en public, elle eut un moment d'hésitation et fit un pas en arrière lorsqu'elle se trouva sur une scène de théâtre avec tout un public devant elle qui la dévisageait. Si Madame Raphélis ne l'avait pas suivie, elle serait sûrement rentrée dans la coulisse. En voyant paraître cette gamine et en entendant son nom, un murmure s'était élevé dans la salle. « C'est le petit prodige à Madame Raphélis, très gentil !» D'autres avaient déclaré que c'était un petit monstre, comme tous les prodiges d'ailleurs. Le jury lui-même avait paru se réveiller, et ceux des jurés qui faisaient leur correspondance, ou qui causaient, ou qui sommeillaient, avaient eu deux yeux pour cet enfant. Il était évident qu'ils allaient l'écouter. Se penchant à l'oreille les uns des autres, ils chuchotaient entre eux. Heureusement pour elle, Geneviève ne voyait rien, n'entendait rien de tout cela. Assise devant son piano, elle écoutait Madame Raphélis placée à sa gauche, qui la rassurait en lui disant que cela allait très bien aller. Cela alla très bien, en effet, et à plusieurs reprises, les applaudissements éclatèrent. Quand elle arriva au dernier accord, ils redoublèrent. « Vous êtes sûr de votre médaille ?» lui dit Madame Raphélis. Après le concerto, venait tout de suite le morceau à déchiffrer. Cependant, ce ne fut pas aussitôt qu'il eût été posé sur le pupitre qu'elle l'attaqua. « Essuyez votre clavier !» lui murmura Madame Raphélis, « et vos mains aussi lentement que vous pourrez. » Et pendant que Geneviève procédait à cette double opération et préludait, Madame Raphélis lui solfiait tout bas à l'oreille la première ligne du morceau et surtout le passage en casse-tout qui doit tromper l'élève. « Pouvez-vous le transposer ?»« Je crois. Eh bien, allez !» Ce ne furent pas les applaudissements qui avaient accueilli l'exécution brillante du concerto, mais quelques exclamations d'étonnement qui montraient qu'on rendait justice au savoir acquis de la musicienne. Elle rentra derrière la scène dans les coulisses où elle attendit, avec sa mère, que les autres élèves eussent concouru et que le jury eût rendu son jugement. Enfin, on a placé elle qui avait obtenu des récompenses. Elle faisait partie de celle-là, et avec elle, à la queue leu-leu, elle rentra sur la scène. « Mademoiselle de Mussidan, » dit le président du concours, « le jury vous décerne un premier prix à l'unanimité. » Ainsi s'achève le tome premier de La Petite Sœur par Hector Malot.